Voulez-vous avoir l'obligeance de m'expliquer tout cela ? Avant tout, monsieur, je voudrais qu'une chose soit claire entre nous. Je n'explique jamais rien. Sur ce,